Ça vous fait rire? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans « Et vous trouvez ça drôle ?» Vraiment, le podcast qui, tout à l'heure, on a enregistré, bon, bah, ça a merdé, hein, où j'ai dit « analyser ». Bon, en fait, c'est pas analyser, on regarde des films qui sont surtout des comédies françaises, et on en parle pour savoir si on trouve ça drôle vraiment. Je suis avec Tom. Salut Tom, comment ça va ? Salut Flo, ça va bien et toi ? T'as vu, j'ai pas refait la oui, même blague. C'est vrai, t'as pas refait le même lancement. On vous redira pas ouais, la blague qu'on a fait. Fallait être et là. Fallait être là. Quel bon de bâtard. Et je suis Flo. Comment ça va, Flo? Bah écoute, ça va très bien. Je sais pas pourquoi tu te parles à toi-même, c'est complètement con. Aujourd'hui, après un film qu'on a fait, on est rentré vraiment dans le dur, hein, cette fois avec le Christian Clavier Cinematic Universe. On s'est dit, et si on continuait avec la qualité? Si on continuait. Je vais dire avec la quantité, mais c'est ça aussi, vous trouvez ça drôle vraiment, c'est la qualité, c'est la quantité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est là où je vais refaire la même transition, on a mis des paillettes dans nos vies, voilà, puisque nous avons, Quand tu parles de quantité, tu parles par rapport à la lourdeur d'Inès Reg? Eh bien, peut-être, ouais. Peut-être, c'est même... Probablement sûr. 110%. Donc vous l'aurez deviné, nous allons parler d'un film Amazon qui s'appelle Les Infaillibles. Thomas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui l'a fait, qui est dedans, etc. On se regarde la bande-annonce avant? On va se regarder la bande-annonce. Franchement. De braquage diminue d'année en année et en Ile-de-France, on est à 7 fourgons en 3 ans. Et on est dessus, qu'est-ce que tu crois? Le préfet des Bouches-du-Rhône m'a parlé d'une recrue aux méthodes peu conventionnelles mais qui obtient des résultats. Je voudrais la mettre en équipe avec Hugo. Ton neveu? Il est nul! Oh Hamilton, tu fais un arrêt au stand ou pas? Chef, c'est mort, je vais pas à Paris. D'où je vais à Paris? Ça va pourquoi? Les gens, ils sont moches là-bas, ils pètent la gueule, ils ont même pas d'étoiles. Excusez-moi, madame la préfète, j'ai pas l'habitude de travailler en binôme. Super. Ça vous fait déjà un point en commun? C'est moi que tu braques là? Que de la gueule. Moi, je peux pas bosser avec cette meuf, elle est complètement tarée. Tu sais ce que tu fais là en fait? Nouvelle recrue, nouvelle méthode. Mais je suis pas là pour vous trouver la partenaire idéale, bon, au moins. C'est la police ici, pas Tinder. Je vais porter plainte! Hey, je connais tout le monde! Non! Vous pas de ma gueule, Jackie! Pour le mode opératoire? Oh bah, le même sur les 3 derniers bras courts. C'est ce qu'on dit ou pas? Grosse bagnole. Ils vont s'en prendre à ma fille tant que j'ai pas fait ce qu'ils demandent. Pas sur toi, tu dois avoir rien. Mon père, ça fait 20 ans, il m'a abandonné et je vis très bien comme ça. Marseille! Elle nous laisse un 4 heures. Bah oui, enfin faut lui montrer c'est qui un peu le bonhomme, c'est tout. Ok, The Rock. Ça passe pas, Alia, putain! Ça putain de passe! Putain, bélier! Ah. Attends, il te manque un petit truc. Voilà, là t'es équipé. Tu sautes ma gueule là, c'est ça? Bah non, pourquoi? Alors, Les Infaillibles, bah, c'est un film qui est sorti l'année dernière, je crois. Merde, c'est 2023 ou 2024? Ou début d'année, je sais même plus. Mais en tout cas, c'est hyper récent. On dit qu'on s'en fout. Ouais, on s'en fout. on s'en fout, c'est un film de merde. Voilà, Amazon. Oh non, j'ai spoilé mon avis. Amazon Studio, mais ils vont pouvoir s'enorgueillir de voir marqué MGM. Parce que MGM, c'est Amazon Studio. C'est vrai. Il y a le lion et tout. Il y a le lion et tout au début du film. Ouais. Alors, sans voix de douleur. Alors, Inès Reg, voilà, comique pas drôle, qui se prend des talents d'actrice. Et, du coup, Camille Lelouch. Voilà, exactement. Et. Qui joue le rôle d'une... Alors, je me souviens déjà même plus de son nom dans le... Alia, je crois que c'est ça. Alia, ouais. Alia. Ouais. Dans le... Comment... Qui est une flic, donc, à Marseille, on va dire, aux méthodes expéditives. Et voilà, qui casse un peu de bois dans le port de Marseille, donc elle se fait mettre à pied. Et pour être punie, bah, quoi de mieux pour punir un Marseillais que de l'envoyer à Cancun? Non, et non, parce qu'on n'est pas dans la télé-réalité, donc là, on va l'envoyer à Paris. Voilà. Oh là là, c'est bien fait ou pas? bien fait pour sa gueule. Voilà, où elle va devoir... Ah oui, en tout cas, c'est bien fait pour sa gueule. Où elle va devoir faire équipe avec, voilà, avec un flic parisien qui, lui aussi, a des méthodes un peu expéditives. Et c'est plutôt original parce qu'un buddy movie de flic, c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu au cinéma. En tout cas, au cinéma français, c'est un truc qu'on n'avait pas encore vu parce que, enfin, il n'y a pas eu Les Ripoux, il n'y a pas eu De l'autre côté du périph, il n'y a pas, enfin, voilà, il n'y a pas eu 1500 films avec, c'est sûr. Et la bonne idée du casting, c'est évidemment d'avoir pris l'ex d'Inès Reg pour faire son pendant masculin et les faire bosser ensemble, voilà, pendant 90 longues minutes de cet exercice cinématographique. Mais je pense que on s'en fout, hein, Gossip Girl, hein, je pense qu'à l'époque ils étaient toujours ensemble. Il est sorti le 20 juin 2024. Ah. Ça faisait un moment que Kevin mettait plus des paillettes dans la vie de d'Inès Reg. Hein, est-ce qu'on est sûr qu'on veut vraiment aller sur cette pente-là? Non. Est-ce qu'on veut aller là-dessus? Non. Est-ce que c'est le but? Non. Je mais bon, parlons quand même 5 minutes de la vie d'Inès Reg. Inès, c'est... non, alors, on s'en prend. Donc, film de Frédéric Forestier. Et on regardait sa filmo, tout à l'heure. Frédéric, c'est une belle filmo. Même la filmo. Très réalisateur très prolifique qui a fait Les Baudins partent en vrille, Les Baudins en Thaïlande, Chasse gardée qu'on regardera évidemment. Hein, oui. Parce qu'on est, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques qu'on ne regardera pas parce qu'on n'est pas con non plus. Donc autant dire que voilà, il a accroché du lourd à sa filmo. Moi, c'est pas un nom qui me parlait, hein, honnêtement, avant d'avoir regardé. Je l'avais, comme je te disais, je l'avais déjà c'était vu. C'était pas un inconnu. Effectivement, en regardant, c'est pas Didier Bourdon. Allez, voilà. Non, mais en regardant, effectivement, il a joué un rôle dans Kaamelott et le nom de Frédéric Forestier me disait quelque chose. Après, c'est pas pour des bons films. Mmh. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas tellement. On a Kevin Debonne dedans, Vincent Rottier, Moussa Mascri. Donc lui, c'est peut-être le seul bon acteur et Lionel Astier. Lionel Astier. Enfin, mais en fait, je pense qu'il va falloir qu'on en parle et on va peut-être commencer maintenant. Mais je ne comprends pas en fait pourquoi Moussa Mascri s'obstine en fait à faire des rôles dans des films de merde comme ça, parce que on l'a déjà vu dans un autre podcast dans Qu'est-ce qui devient, dans Les Secpa, et il a fait d'autres films de merde, on va pas se mentir. En fait, j'ai l'impression qu'on lui propose un truc, on lui dit hey, Moussa, il y a un film. Ok, je viens, okay, les gars. Ok, je prends. Toujours. Oui, toujours content d'être là. Il fait son truc sérieux, mais. Il est prom dog. Choisis un peu tes films et tout. Alors, peut-être qu'il prend aussi un moment. Il faut bien croûter. Donc, mais c'est quand même dommage. Parce que ce mec a une vraie gueule de cinoche. Faut bien croûter. Je veux bien, mais là, faut peut-être arrêter d'abuser aussi. On est sur tout et n'importe quoi niveau filmo. On est sur du plutôt pas mal, je pense, et on est sur du très mauvais aussi. Voilà pour le casting. Film Amazon, on l'a dit, donc pas de budget ni de box-office. En tout cas, pas de budget communiqué. Non. Et puis, évidemment, Amazon ne communiquant pas sur les vues. On va pas communiquer sur un box-office dont on ne sait pas ce qui s'est passé. Non. Surtout si ça a fait zéro entrée, machin. Non, mais il y a peut-être 50 millions de vues, mais si les gens ont failli faire comme nous, c'est-à-dire arrêter au bout de 2 minutes, voilà, peut-on considérer qu'ils ont vu le film? C'est pas faux. Mais oui, du coup, on a, comme tu le disais, c'est l'histoire d'Alia Samani, hein, qui est flic marseillaise, qui va être, entre guillemets, mutée sur Paris, puisque elle a des méthodes assez bizarres, surtout de faire un film policier à cette époque-là, avec la réputation, on va dire, de la police en ce moment. Ouais, ok, pourquoi pas. Surtout quand tu défourailles à tout va en pleine rue. Hein, oui, parce qu'elle a quand même un calibre qui est presque aussi gros qu'elle. Yes, on va, mais on va parler de ça aussi, de du fait que certaines choses ne sont pas réalistes, comme quand elle débarque pour la première fois dans la salle de réunion et ça doit être le neveu ou le fils de Sami Nasseri, on sait pas, parce que c'est Julian Nasseri qui est aussi dedans, hein, je crois. Oui, Julian Nasseri, qui joue le rôle de Simon, qui dit « Eh ben dis donc, je savais pas qu'on recrutait au physique. » Mec, non. Alors, effectivement, c'est peut-être un point, on est peut-être un petit peu sur de la grossophobie, tout ça, mais ne fais pas croire quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. À moins que, bah, après, tu peux peut-être kiffer, et je sens que ce passage va être très très problématique, il va falloir que je coupe un petit peu. Mais non, tu ne sors pas un truc, tu vois, je savais pas qu'on recrutait au physique à Inès Reg. Et c'est pareil, c'est un concours de beat permanent. Alors, ça envoie de la punchline. Ils envoient leur punchline, ce que eux pensaient être un chef-d'œuvre d'écriture. De punchline, oui. Sur punchline, enfin moi je trouve que tout tombe à plat, parce que en fait, comme tu le dis, c'est juste le concours de celui qui aura le dernier mot et qui a la plus grosse, hein, ni plus. Oh bah c'est totalement ça. Enfin, ne serait-ce que pour cette réplique qui n'a aucun sens, où Inès Reg dit à Kevin, de toute façon, je sais que t'as un complexe parce que on dit homme à grosse voiture, petite quéquette. Et le mec roule en Golf GTI. Oui. Bah, c'est littéralement une petite caisse. Donc ça veut dire qu'il a un Chibrax de 50 cm, le bâtard. Il y a un gros moteur sous le capot, mais c'est tout. Je veux dire, voilà, autrement, c'est pas tout. Plus gros qu'une 308. Hein. Ouais, non. Enfin, même une Twingo, ça passait. Non, c'est enfin, clair, non, mais à un moment, si tu veux faire ce genre de blague, le mec, il faut lui mettre un Hummer, sinon ça marche oui, pas. Oui, bah, sinon ça ne fonctionne pas. Mais après, ça peut nous donner un indice sur le budget qu'Amazon a donné au film. Et encore, je pense que la Golf GTI, vu qu'on la voit sous tous les angles, ils ont peut-être eu un prêt. Bien rentabilisé. Ouais, je pense que c'est bien rentabilisé. C'est un placement produit de la part de Volkswagen. Oh, je pense. Je pense, et effectivement, on est sur ce. Mais parce qu'il maintenant, ça nous semble un cliché. Il récupère vite les 4 pneus qui se fait voler au début, quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on est aussi dans un film vraiment, j'allais dire cliché, mais comme je disais, dans les années 80, ça nous paraissait normal de voir un film avec un tandem comme ça. Mais est-ce que 40 ans après, on a envie de continuer à voir ce genre de film avec toujours les mêmes blagues éculées, le même cheminement finalement? Au départ, on se déteste, il y en a un qui fait le pas, l'autre il rembarre, l'autre fait le pas, l'autre le rembarre, et puis au final on se retrouve, et puis en fait on est copains, ou alors on est amants, puisque là il se trouve que c'est un gars avec une fille. Bah, je trouve pas ça hyper nécessaire. Tu vois, tu parlais de l'autre côté du périph, que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Alors, on est sur la même construction, on est sur le même truc, le même. Il se pécho à la fin. Oui, il se pécho à la fin en plus. Non, mais c'est le même antagonisme, sauf que au lieu que ce soit un garçon et une fille, c'est un flic de cité, et l'autre c'est un flic qui sort des beaux quartiers. C'est pas un film génial, hein, mais c'est quand même un peu mieux écrit, un peu mieux construit. Beaucoup mieux joué quand même, voilà, comme quoi on peut arriver à faire quelques petits trucs. Bah, après, derrière, on a Laurent Lafitte et Omar Sy, oui, ce qui n'est pas non plus, c'est pas les plus dégueulasses, ouais, niveau acting. Voilà. Loin du périph, la suite était beaucoup plus mauvaise, mais le premier opus est pas si mal que ça. Franchement, il y a d'accord. Je t'avoue que je l'ai pas vu, je l'ai pris pour exemple parce que c'est un des premiers trucs qui m'est venu en termes de Bunny Movie à la française. Mais voilà, on est sur un film qui ne repose que sur, finalement, au-delà de l'enquête, qui ne repose que sur la complicité qui va se nouer entre les deux flics. Et c'est, comme on le disait, c'est, je te sors une punchline, tu me sors une punchline, je te sors une punchline, je te montre que j'ai la plus grosse et je te défie sur un truc. Tu me réponds, et en fait non, et en fait machin, et en fait truc, et au final, tu disais que c'était pas non plus, c'était leur punchline, c'était pas foufou, ça tombait à plat, effectivement, mais je pense que ça tombe à plat parce que, concrètement, c'est très, très, très mal joué. Complètement. Soit il n'y a pas de talent, soit il n'y a pas de direction d'acteur, ou les deux. De base, c'est ça, moi, qui me gêne, c'est que, normalement, les deux sont censés être comédiens. Mmh. Alors, pas acteurs, parce que c'est différent, ouais. Mais comédiens. Et c'est que là, il n'y a même pas un sentiment, il n'y a même pas un truc, il n'y a rien. C'est vraiment, on n'est que dans la provocation, dans la punchline. Et en fait, je me suis dit, ok, je regarde un film d'une heure et demie, concrètement, où il y a un couple qui s'engueule. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'ils avaient peut-être pas fini leur histoire personnelle et que le film en fait sert de catharsis. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, clairement. Non, mais c'est ça. Et derrière, c'est pareil. Ça pourrait éventuellement, même si c'est mal joué, tout ça. Des fois, tu peux passer outre. Tu peux te dire bon, allez, pourquoi pas. Éventuellement, je veux bien que ça. Une ou deux vannes, ça laisse passer, mais en fait, je sais pas, je pense que tu l'as remarqué aussi, mais en fait, à chaque fois, c'est désamorcé par cette musique qui est toujours la même putain de musique, où tu as ce début où ça fait... Tu sais, genre le truc des amours où c'est la mauvaise réponse, et tu fais, mais pourquoi toujours cette même musique avec, après, à la fin, t'as toujours le petit solo de basse avec le... Tu fais, mais ta gueule. Ça n'amène rien, c'est juste une situation gênante et tu la rends encore plus gênante avec ta musique de merde. Clairement. Je ne sais pas qui a fait la musique d'ailleurs, mais il faudrait qu'il arrête de faire la musique. c'est pas bien. Enfin, ouais, non, mais vraiment. Donc, oui, il y a un casting qui est raté. Déjà. Après, il y a Lionel Astier. Ouais, mais Lionel Astier, tu le vois tout mis bout à bout, tu le vois 3 minutes hein, dans le. Tu le vois 3 minutes et c'est pareil. Lui, c'est le festival de la punchline aussi. Mmh. Il a un casier vierge aussi. Enfin, il a un casier aussi vierge qu'une pute de Saint-Ouen. Oui, d'accord, très bien. Eh ben, ça doit être bien, vraiment, d'être une pute à Saint-Ouen. Ça fait du bien de revoir le film juste avant d'enregistrer l'émission. Hein, parce que tu te souviens de quelques trucs. Mais moi, je m'en souvenais même pas. Je l'ai vu la semaine dernière, donc forcément. Eh ben, moi, j'avais commencé à le voir il y a deux, trois semaines. J'ai dû m'arrêter en plein milieu et j'ai commencé à le revoir et je l'ai revu en entier là juste avant. J'ai dû arrêter genre 10 minutes avant qu'on enregistre. Oh, c'est catastrophique. T'es content quand ça s'arrête quand même. Autant je m'étais dit, la première moitié que j'ai vue, je dis ouais. Et après j'ai vu la deuxième moitié, je fais ouais, non, tu vas où film ? Tu vas nulle part. C'est convenu, c'est... Y a rien, c'est convenu. Il y a l'histoire avec le père de d'Inès Reg où tu fais bah... On s'en fout. Il y a cette histoire d'amour. Il y a le fait que ce soit l'ancien complice de celui qu'ils essayent de choper, machin. Et tu fais, mais vraiment, l'expression, c'est cousu de fil blanc. Oui. Mais, enfin, calmez-vous. c'est pire que ça. C'est des grosses cordes de 2 cm de diamètre. Hein. Ah bah putain, là... Mais tu vois tout venir, en fait. C'est aucune subtilité. Dès le début, tu sais, quand elle dit qu'elle a changé de nom, voilà, qu'elle s'appelle Ben Machin et qu'elle s'appelle plus du nom de son père, je dis oh là, ça sent le setup and payoff. Et à la fin du film, elle va vouloir récupérer le nom de son père. Je sais pas pourquoi. C'est ça, papa. Ouais, elle est ferme ta gueule, papa. C'était convenu d'avance. La rencontre où quand ils se lèvent tous les deux, ils essayent d'aller dans le même sens, machin. Je dis oui, à la fin ils vont se pécho. Oh, spoiler, à la fin, ils vont se pécho. Les flics dans le commissariat qui sont contre Kevin, qui à la fin sont avec lui, et c'est en fait les grands copains. Tu fais, oui, bon, bah, on n'a jamais vu ça, à part dans 7000 films. Non, cette romance qui dit même pas son nom, elle est amenée comme... aussi subtilement qu'une couille dans le potage, quoi. Enfin, il n'y a rien dans le film... qui fait amorcer comment une sorte de d'attrait de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. Et à la fin, ça se smack bah non, parce comme que, ça. Mais parce que à chaque fois, c'est désamorcé comme de ouais. la merde. À chaque fois, c'est désamorcé par un ah ouais, tu fais ça, ah ouais, la vanne. Tu fais, mais en plus, arrêtez avec vous. Enfin, t'es pas obligé de prendre un accent de Kyra ouais. pour te rendre crédible. T'as pas besoin. Et à la fin, et c'est ça, je pense, le pire, c'est qu'ils ont voulu effectivement. C'était sûr. Mais à la fin, ils se pécho. Ça s'embrasse, et y en a un qui dit ah ben non, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Ben non, mais je vais te. Enfin, je sais pas, tu m'as embrassé. Ah ouais, direct en mariage. Mais putain, mais quand on embrasse, c'est pas. C'est pas mariage. Je pense pas directement mariage en fait. Oh, avec ta langue sale et tout, mais ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Non, mais c'est là que tu vois fait. Que c'est hyper mal écrit, quoi. Enfin, c'est. Il y a même le. Je me suis dit à un moment, le passage avec les supporters de foot, ils auraient presque pu en faire quelque chose d'intéressant. Et en fait, non, ils font juste du fan service parisien au début, voilà, en disant c'est l'OM, pire, l'OM, on t'encule, et marseillais après, où la gonzesse braque les supporters dans le bar et les oblige à chanter une chanson de supporters marseillais. Bien sûr. Mais je pense que, ouais, c'est pire que ça, puisque effectivement, t'as ce côté où bah, la fin de cette séquence, c'est des flics qui sont arrêtés par des CRS, et bah, prévenez-nous quand vous êtes en OP, et ça, tu fais, à la limite, il peut. Pourquoi pas? Même si je doute que les services de police soient incompétents à ce point. Peut-être con, peut-être, je sais pas, mais incompétents à ce point, je ne pense pas. Et effectivement, le fait de l'envoyer et d'en faire une bisu alors que lui, c'est le bisu au début, juste parce qu'elle met un maillot du PSG, tu fais oui, enfin, on s'en fout. Cet échange aussi via l'oreillette, ce quiproquo où c'est mais tire, mais tu crois que je fais quoi machin, non, parle pas à toi, parle au joueur de foot. C'est rigolo, non, c'est pas rigolo, et c'est aussi là où on voit la problématique de montage du film et la problématique de la problématique de temporalité d'écriture, parce que t'as le début du film, t'as une seule scène de 20 secondes et juste après t'as 20 minutes, 1-0 pour le PSG déjà. Tu fais, ben, à quel moment ça a duré 20 minutes, ça? Ça a littéralement duré 5 secondes. Il y a eu juste un, ok, je descends, 20 minutes. Non. c'est le même problème de toute façon que t'as dès que t'as un timer ou une horloge de toute façon quelque part dans une pièce, et que si tu fais pas un peu gaffe à ça, si bien t'es sûr. Pas un peu vigilant là-dessus, ben, tu peux vite partir à la catastrophe, effectivement, et là, bah, c'est sûr, ça n'a pas loupé. Oui, comme dans certaines scènes où tu vois le 10, 9, 8, ça va jusqu'à 6, et puis après tu reviens à 8, tu fais non, arrête, film, je sais où tu veux m'emmener, et c'est non. mais là, c'est dommage, parce qu'on a une scène, effectivement, qui est basique, mais qui peut, à la limite, passer. Mais le fait de dire « Ok, maintenant, je vais braquer mon flingue sur vous parce que je suis marseillaise, en fait, et je vais vous demander de chanter. Nous sommes les Marseillais, nous allons gagner. Mais t'es censé être flic. Tu t'en fous, en fait, de ton équipe de foot. De ça merde. Ça n'existe pas, ça. Ton équipe de foot de merde. De merde. Oui, on veut pas s'attirer... je veux pas m'attirer non plus le mauvais œil des supporters de foot de merde, mais voilà, effectivement, on reste pas moins un club qui pue du cul. mais donc voilà, franchement, un film qui... Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un film, un téléfilm, un DTV, un... Ah bah, de toute façon, oui, c'est presque du direct ou vidéo, effectivement, dans le format, comme les originaux Netflix, c'est sûr. Ouais. Parce que, on va pas se mentir, j'ai regardé la première fois, j'étais au travail, et j'avais que mon téléphone sous la main. Donc j'ai commencé à regarder au téléphone, machin, et sur téléphone, en vrai, c'est pas si déconnant. Ce soir, j'ai tout regardé sur ma télé. Un peu plus grand, un petit peu plus de qualité, machin, etc. Ah putain, quand il est sur les toits de Paris, Oh, le fond vert, mon Dieu. Ah, mais je l'avais pas vu hein, au début. Hein. Sur téléphone, tu ne le vois pas, le fond vert. C'est sur un peu trop petit. Télé, tu... Ah bah ouais, mais là tu le vois et ma femme qui l'a regardé avec moi, hein, je lui ai fait cet honneur, hein, je pense qu'elle vient de me quitter, m'a dit, mais c'est quoi ce fond vert dégueulasse et pourquoi tu regardes ce film de merde ? Et pourtant elle ne l'avait jamais vu. Donc on est vraiment... je pense que ça va devenir habituel maintenant à chaque fois qu'on fait des films quasiment, puisque maintenant j'ai bien l'impression qu'on est en train de se tirer la bourre pour se dire qui donnera le plus mauvais film à regarder, qui va envoyer le pire film, qui va envoyer le pire film au firmament du podcast. Mais pour l'instant, on est sur un combo. On est vraiment sur. J'ai eu de la peine de regarder. Ouais, ce ouais. Film, et puis tu vois le. Je pense que ce film pourrait être une étude de cas pour différencier ce qui peut être un hommage d'un plagiat. Et là, on est dans le plagiat pur sur la scène de l'arme fatale, tu sais, au moment où il s'entraîne à tirer sur les cibles là, dans le sous-sol. Oh. Oh là là. C'est ouais. Incroyable d'avoir aussi peu d'imagination que ça. Et je pense qu'il a dû se dire ouais, je vais faire un hommage parce que je vais reprendre la même scène, sauf que je vais la terminer d'une manière encore plus spectaculaire. Hashtag oui. Bouffonne, hein, parce que la façon dont ça se termine, où l'autre elle sort sa pétoire pour exploser la cible, voilà, avec un canon de 50 mm. Non, s'il vous plaît. Arrêtez, retournez en salle d'écriture, relire vos brouillons avant de dire que c'est la version définitive, quoi. C'est pas possible. Je pense que c'est plutôt pas mal si elle fait ça. Allez, arrête. C'est pareil, c'est à quel moment Kevin qui arrive à faire les yeux et la bouche comme ça, tu vois la caméra braquée sur le flingue ne bouge pas d'un iota, déjà. Et en plus de ça, le mec a un strabisme. C'est pas possible de faire strike comme ça. Avec les yeux qu'il a, avec la manière dont il tient le flingue, avec la manière... Impossible. Sur les gros plans, j'étais tout le temps en train de me dire, mais il a vraiment un œil qui dit merde à l'autre quand même. Hein. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Non, c'est dur. Mais ouais, après, c'est dommage parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a... Il y a plein de bonne volonté. Il me semble que c'est une idée de Kevin, justement. Ah bah il a participé à l'écriture. Il a dit, je suis fan de comédie policière, de films policiers, tout ça, et j'aimerais bien faire le mien. Le problème, c'est qu'il faut que je mette ma meuf, enfin, Wix meuf, et je pense qu'il l'a écrit en pensant à elle, et du coup, c'est juste un truc de couple, et on se dit, mais en fait, vous vous êtes fait un kiff, quoi. Comme certains partent en vacances à Center Park, vous vous êtes fait un film, quoi. Et je trouve ça tellement dommage, parce que t'es pas obligé d'aller jusque-là. Le fait qu'à la fin, ça se fasse juste un smack, en plus, c'est un smack, tu fais, mais il se passe rien, il n'y a pas de. Enfin, ne mets pas d'histoire d'amour à ce moment-là. Oui, ce serait plus simple, en fait. Bah, c'est ça. Continue à se détester, qui continue à s'envoyer de la merde à la gueule, à la limite, ce serait plus cohérent. Au vu de tout ce qui s'est passé dans le film, ce serait plus cohérent. Ce serait plus cohérent, et même à la limite, si tu vois, il y a juste un step de gentillesse qui est passé, ce serait beaucoup plus cohérent. C'est juste, ouais, on se déteste, mais au final, c'est parce qu'on s'aime bien, parce qu'on sait qu'on a les mêmes méthodes, et qu'on sait qu'on a des méthodes extrêmes, et le fait de voir que l'autre a les mêmes méthodes. Et que ça part aussi loin, ça peut un peu nous débecter. Ça, à la limite, ce propos-là, je peux l'entendre. Mais le propos de « non, non, non, on se déteste », et il n'y a aucune tension derrière, et au final, ça finit par se pécho, parce que, t'as vu, on avait quand même mis de la tension sexuelle, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas une once, il n'y en a pas un gramme, il n'y a pas. Et ce que tu décris, en fait, ça a été tellement mieux fait dans Tango et Cash. Mais voilà. Bien sûr, c'est... Mais bien sûr, et tout, mais même là, je ne comprends pas pourquoi il y a des histoires secondaires. Enfin, l'histoire secondaire du mafieux. Oh, le mafieux là, avec sa famille et du bandit qui part avec sa, qui veut partir avec sa femme, la danseuse. Avec les problèmes de couple. Et en fait, non. Et en fait, oh bah non, mais c'est juste qu'elle est enceinte et elle voulait pas le dire. Mais, bah, le dis pas. Enfin, ça, c'est juste. Ça n'apporte rien. Je pense que tu enlèves ça au film. Il se passe juste 1h10. Et en fait, ben. Les deux frères se battent pas, mais ils sont ensemble côte à côte et ils butent Kevin et Inès. Mmh. Et c'est tant mieux pour le film. Parce que là, ils ont sorti Les Infaillibles. Qu'est-ce qui va nous empêcher, hein, à la manière de Kev Adams, de sortir Les Deux Faillibles? Qui va les empêcher? Parce que je rappelle que le logo, c'est Les Uns en jaune et Faillibles en bleu. Donc, qu'est-ce qui va nous empêcher de sortir Les Deux Faillibles? Bah, rien du tout! Hein? Et c'est ça, je pense, que je trouve, entre guillemets, le plus gênant, finalement. Hein? Voilà. Comme on n'a pas les chiffres, on peut même pas anticiper le truc, mais ouais, si. Ça fait combien de sorties au Portugal? Oui, ça fait combien de vues au Portugal? Mais s'ils annoncent la mise en production d'une suite. Après, peut-être que le fait que le couple se soit séparé, c'est peut-être une bonne chose, mais visiblement, ils ont l'air d'être restés en bon terme. Donc, je pense que rien n'empêchera une suite à ce film, parce que, mine de rien, même si ça se termine, ça laisse, pour moi, la porte ouverte à une suite. Moi, je te l'écris sur un bout de papier déjà. L'action va se passer à Marseille pour le coup. Voilà. Oui. C'est la suite logique. Hein. Voilà. Ok. Vas-y, je veux voir si t'as la même suite que moi. C'est Kevin qui, pour le coup, est envoyé à Marseille. Alors, soit encore parce qu'il a fait des conneries, soit pour les besoins d'une enquête qui a démarré à Paris et qui doit se poursuivre dans un milieu marseillais. Tu peux peut-être rajouter un petit peu de mafieux corse là-dessus, hein, ça mange pas de pain. Non, c'est le dealer qui sont pas réussi à attraper au début du film. Ah oui, aussi, ouais. Ah oui, qui peut, oui, effectivement, qui peut avoir son arc, arc narratif. et puis là, pour le coup, comme Marseille, il y a du soleil, il fait beau, il y a la plage, machin et tout. Il faut en mettre un bon coup sur la romance. Donc là, il faut y aller un peu plus à fond et il faut vraiment que ça matche. Il faut qu'il pécho, il faut que ça matche, il faut que potentiellement pour que ce soit marrant, ce soit Kevin qui soit en mauvaise posture et que ce soit Inès Reg qui le sauve. Il faut que le père revienne et que en fait il découvre que ce n'est pas forcément le père Bogart qui a tué le vigile au début et qui a fait que la femme est morte, mais que c'était un troisième complice qu'on ne connaissait pas jusque-là et qui fait partie de la pègre marseillaise. Exactement. Ouais. Voilà. Là, on est. Mesdames là, et on messieurs, est pas... vous avez la suite du film en avant-première. Voilà, on vient de vous le pitcher en 30 ça. Secondes. Vous ne pourrez pas dire, on ne vous l'avait pas dit. Écoute, ça, voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Ça me fait penser au petit exercice de style que je m'étais livré à la sortie de Avatar 2, en disant, le prochain épisode, le 3, ça va se passer sur des terres volcaniques et il y aura un peuple du feu. Et j'ai envie de dire, ça fait quand même chier d'avoir raison. Parce que c'est exactement c'est exactement les infos qui sont en train de leaker depuis quelques semaines quand même. Est-ce que c'est pas le plus moche, vraiment, de se dire « Putain, en fait, j'aurais pu faire scénariste, bordel, parce que c'est si facile. C'est si facile de deviner leurs histoires. » Alors, dans les années 70-80, c'était moins facile. Ouais, dans les années 2020, j'ai l'impression que l'exigence, le couloir de l'exigence... Bah, est-ce que c'est l'exigence ou est-ce que c'est pas le fait que, dans tous les cas, dans toutes les histoires, il y a un moment donné où il y a un nœud qui va aboutir à la même chose qu'un autre bien truc. Bien sûr, et puis c'est surtout que quand la sauce a bien marché sur l'épisode 1, on fait un calque, et puis on change 2-3 petites choses autour, mais je te fiche mon billet que le scénario auquel on vient de penser, il va recouper à 50, 60, 70% l'intrigue du premier, hein. Sauf que là, pour le coup, c'est le flic parisien avec son parisianisme aigu qui va arriver, qui va être perdu dans la translation marseillaise où les mecs vont lui parler avec l'accent, il va rien comprendre. Enfin bon, il y aura des acteurs des SECPA. Enfin voilà. Ouais. Est-ce que on n'appellerait pas ça genre Rush Hour? Ouais, c'est. Tu vois, par exemple, hein, je sais pas. Allez, ils vont regarder Rush Hour 1, 2 et 3, ils vont aller piquer des trucs et puis ils vont se dire, allez, on va foutre Arrête, il va y avoir Yvan Attal. Mais c'est sûr que si ça fonctionne, le 2 sera à peu près ce truc-là, c'est sûr et certain. Kevin DeBonne, s'il l'écrit, il va se dire, alors attends, qu'est-ce qui avait bien marché dans L'Arme Fatale 2? Ah, je vais rajouter un Léo Getz. Je vais rajouter Léo Getz français, un troisième larron un peu bouffon, et là ça, Patrick Bosso qui jouera le Léo Getz français là-dessus. Patrick Bosso directement. Ah ouais, oui, il faut une caution marseillaise. Tu vas pas mettre Bernard Farcy quand même. Et en fait, Bernard Farcy, et à la fin, tu t'aperçois que. C'est le maire de Marseille. Il a tout élu. Et que le commandant à qui il parlait depuis le début, c'était Franck Gastambide. Ça, c'est un film, je pense, écrit par un HPI. Bon, eh bien, je pense que maintenant, nous en arrivons à cette fameuse question qui nous brûle les lèvres à chaque fin d'épisode. Est-ce que tu as trouvé ça drôle, Tom? Eh bien, sans surprise, non, je n'ai pas trouvé ça drôle. Je n'ai pas rigolé. Je n'ai même pas pouffé à un moment ou à un autre. Il y a rien qui a réussi à me sortir un rire ou un sourire de ce truc. Donc, désolé, mais non, je n'ai pas trouvé ça drôle. Et toi, Flo? Eh ben, moi, malheureusement, je vais être un petit peu à contre-courant. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse, c'est pas drôle du tout. Non, faut. Comme tu disais, il n'y a rien, le scénario est convenu, c'est cousu de fil blanc, les acteurs ne sont pas des acteurs, ce sont à la limite des comédiens et encore des comédiens. Moi qui apprécie le théâtre, j'appelle pas ça des comédiens hein, parce qu'ils font de la merde, ils ne savent pas jouer, il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien du tout, c'est. C'est pénible, c'est un calvaire à regarder, et effectivement, on le disait, qui dit comédie dit, bah forcément là c'est comédie policière, donc dit punchline, et ben ouais, mais en fait des punchlines c'est censé faire rire, c'est pas censé tomber à plat. Parce que donc, leur là, bible à eux, c'est, leur bible à eux, c'est le code civil aussi. Hein. Merci Cyril Raffaelli pour cette référence de qualité, mais non, c'est nul à chier, et en fait... je m'en aperçois encore plus avec ma chérie qui n'est pas du tout, qui ne regarde pas du tout de films ou qui n'en regarde très très peu, hein, et qui me dit juste une réplique de Lionel Astier a fait ah bah voilà, quand c'est bien joué c'est mieux quand même. Et pourtant on parle de Lionel Astier qui est correct, mais c'est pas non plus là-dedans un foudre de guerre. Mais il joue bien le rôle du, et encore une fois on est sur le cliché. Le capitaine bourru qui sort ses vannes sur le cul, machin. On l'a vu mille fois. Enfin, il suffit de regarder Bad Boys, il suffit de regarder L'Arme Fatale. Enfin, c'est vu. Il est vulgaire, il est machin. Oui, c'est le gars. Voilà. C'est le même gars. Tu lui mets une moustache, c'est le gars de Bad Boys, hein. Vraiment. Hein. C'est tout. Hein. Donc, non, c'est pas drôle. C'est nul. Et en même temps, on s'y attendait un peu. La bande-annonce ne laisse guère d'équivoque sur la qualité du intrinsèque du truc. Hein. Mais tu vois, je m'attendais quand même à un truc avec un minimum d'action, me disant, ouais, si c'est quand même un hommage au film policier, peut-être qu'au niveau de l'action, et non, c'est nul. C'est pareil, c'est nul. Hein. L'action est au niveau de l'humour. C'est nul, c'est mou, on se fait chier, il y a des poursuites. Mais le truc en bateau et en jet ski au début, à la scène d'ouverture du film, c'est mou. Oh. C'est plan-plan, mais c'est... Oh, c'est nul à alors, autant chier. Des fois, des fois, c'est un peu trop cut, mais alors là... Putain, c'est... Eh bien, voilà, encore une émission, nous avons répondu à cette question. Est-ce qu'on a trouvé ça drôle vraiment? Pour l'instant, on est surtout sur du non. On a été une fois sur du oui, on a trouvé ça drôle. On n'a toujours pas trouvé le film qui ne ferait pas consensus et sur lequel un de nous deux serait sur le oui et sur le non. Donc, est-ce que le prochain film, est-ce que déjà tu l'as décidé? Et ensuite, est-ce que ce prochain film peut faire la bascule? Eh bien, écoute, nous allons voir, puisque il y a 2 heures de ça, je te disais que j'avais pas trouvé... encore, oui. Et ça y est, je me suis rappelé d'un truc et nous allons regarder Sexygénaire. Oh putain. Ce film que je ne connaissais pas, mais que tu m'as conseillé, tu m'as envoyé une longue bande-annonce. Je t'ai juste envoyé des extraits du film parce que j'ai vu Sexygénaire. J'avais vu l'affiche et je me suis dit, bah c'est quoi cette merde? Et en fait, tu te dis, ouais, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit. Ah, bah, vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Patrick Timsit. On veut jouer sur des films. On veut jouer sur les films de merde. Bah, vas-y, je t'envoie ça. Et à mon avis, bon, voilà, on va pas spoiler le prochain avis puisqu'on l'a toujours pas vu. Hein, mais... Ah non, pour moi, ça va être une découverte. Pour moi aussi. Figure-toi que j'ai juste vu l'affiche. Qu'est-ce que. Il y a un cheval qui parle. Un cheval qui parle dedans. Moi, jusqu'à cet extrait-là, j'y étais pas. Et le cheval qui parle, je dis ok, c'est bon, tu m'as eu, j'y vais. Tu m'as eu, j'y vais là-dessus. Ah, ok, d'accord. Je saute à pieds joints dedans. Bah, merci, c'est cool, génial. Non. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as des petites actus comme on est sur des timelines un peu avancées, je crois que cet épisode-là sortira mi-octobre, il me semble. C'est fort probable, oui. Début octobre, vous aurez eu un épisode des Baby Graveurs, pareil, qui a été enregistré aussi à l'avance, où on parle d'un film d'Elevated Horror qui s'appelle The Lighthouse. Film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Voilà, où on parle de ce genre cinématographique, voilà, qui, enfin, le genre existe depuis très longtemps, mais le terme d'Elevated Horror en fait est assez récent en lui-même, qui est un film c'est pas le chef-d'œuvre absolu, mais c'est un film intéressant, ne serait-ce déjà parce qu'il est bien filmé, il est filmé en noir et blanc, voilà, c'est un huis clos avec uniquement 2 acteurs, donc voilà, c'est assez intéressant, il y a un exercice de style intéressant dedans, voilà, donc on avait passé une soirée intéressante à regarder ça. Très très bien. Et de ton côté? Eh bien, de mon côté, pour l'instant, je t'avoue qu'à l'heure où on enregistre, c'est un peu le flou. J'espère pouvoir sortir le podcast dont j'avais parlé, le podcast Quiz. J'ai potentiellement 1 ou 2 concepts aussi qui traînent dans ma besace que j'espère sortir avant de fin d'année, à voir comment je le mets en place, avec qui je le fais, comment j'en parle, etc. Mais après, normalement, toujours l'aventure podcast. Et je ne sais pas si vraiment ça a pris... puisque d'ici 2-3 jours, je devrais avoir un petit peu plus d'infos sur une commune pour essayer, entre guillemets, de recruter des gens, de voir ce qu'on peut faire, etc. Okay. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu le flou et je veux pas trop m'avancer. Voilà. Eh bien, parfait. Eh bien oui, nous nous retrouvons donc le mois prochain pour parler de Sexygénaire. Je suis fatigué. Les sexagénaires, beau gosse. C'est peut-être parce qu'il est tard. Les sexagénaires, beau gosse. Il y a un moment donné, Thierry Lhermitte, je veux bien l'entendre. Il y a un moment donné, Patrick Timsit, faut arrêter, peut-être. À la limite, tu mets Tex, tu vois. Et je comprends pas pourquoi tu dis ça, Flo. Salut, c'est Timsit. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, il faudra vous attendre à beaucoup d'imitations de Gérald Dahan qui imite mal Patrick Timsit. La base. C'est la base. Salut, c'est Timsit. Dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, essayez de regarder de bonnes comédies françaises parce que oui, il en existe. Et si vous dénichez des pépites, n'hésitez pas à nous taguer sur Twitter. Ouais. C'est voilà. Ça. Tom Zeller des F. Veras pour... F. Veras ou alors même Prodcast 37, n'hésitez pas. C'est... Vous pouvez nous taguer sur ces trois trucs-là, il y a même Drôle Vraiment, vous pouvez nous taguer. Drôle Vraiment. Voilà. Vous pouvez nous taguer sur 4... Ouais. Sur 4 sites, parce que franchement, faites-le. Si voilà. Vous avez des pépites un tant soit peu récentes, là, des trucs qui vous... C'est ça, mais même des trucs bien, des trucs pas bien, on s'en fout, on prend tout, vous avez pu le voir, on prend même du moins bien, mais voilà, peut-être que du bien, on en connaît peut-être pas des récents, des biens, mais n'hésitez pas à nous les envoyer, ça peut le faire. Ça peut mettre un peu de paillettes dans notre vie à nous. Ah oui, et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Je te souhaite une bonne soirée, je te dis au mois prochain. Ça roule Flo, à toi aussi, à bientôt. Salut, ciao, ciao. Madame, je ne m'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et vous trouvez ça drôle?